Lettre 46e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, août 302. Tu vas être bien surpris de recevoir une lettre de moi, datée de Nicomédie, tandis que tu me supposes à l'armée. Je suis ici depuis hier, et j'attends à chaque instant l'ordre de repartir. Une suite d'événements aussi brillants que singuliers m'a arraché de ma situation obscure. Je vais te raconter ce qui s'est passé pendant que j'attends ces ordres dans un appartement du palais. Galerius, ne perdant pas de vue l'humiliation dont il avait été couvert, s'occupait en secret à en effacer les faits, à faire sentir aux Perses le poids de sa vengeance et à rendre à l'armée romaine sa gloire si malheureusement ternie. Il forma un plan aussi vaste que téméraire. Le sacrifice de la vie des hommes ne fut pour lui d'aucune considération, non plus, il est vrai, que celui de la sienne propre. Il mena l'armée à travers des sables immenses et brûlants, à marche forcée, et avec une célérité inouïe jusque dans les montagnes de l'Arménie, et se trouva tout à coup à dos et sur le flanc ennemi au-delà de l'Euphrate. La grandeur de cette manœuvre ne s'effacera jamais de ma mémoire. Malgré les fatigues accablantes qui en furent la suite, Constantin, à peine remis de sa blessure, Tiridate élevé dans la volupté, Galerius même, que son âge avancé et la dignité de son rang affranchissaient des fatigues du service militaire, supportèrent tous les trois et souffrirent tout comme de simples soldats. Leur exemple produisit un effet merveilleux, et la troupe animée de courage et de dévouement suivit son chef, dont le seul privilège était la peine et le souci d'avoir l'œil à tout. César et l'armée étaient dignes des temps passés de la gloire romaine. Tous les esprits s'élevèrent avec joie au-dessus des difficultés et firent taire les petits intérêts particuliers devant le bien général. Je vis agir Tiridate avec un sentiment de plaisir et d'admiration. Constantin m'inspira du respect malgré sa jeunesse, et César, déjà vieillard et si plein de force et de courage, une espèce d'enthousiasme. Une âme susceptible de gloire se sent entraînée par de tels exemples. Il réveille une force dont à peine on se croyait capable. Tel est le pouvoir du grand et du beau, et toute l'armée en fit l'épreuve. Les officiers et jusqu'au moindre soldat comptaient leur vie pour rien en voyant leur chef dévouer ainsi la sienne au bien public. Des espions ayant instruit l'armée ennemie de notre marche, elle fit à l'instant volte-face contre nous, mais elle ne nous croyait pas aussi près. Tranquille sur un danger qu'elle supposait encore fort éloigné, elle campa pendant la nuit pour se reposer des marches forcées qu'elle venait de faire. Galerius s'y était attendu. Une attaque faite de nuit contre les Perses est une demi-défaite. Leurs chevaux sont descellés, attachés. Eux-mêmes, dont la volupté est sans exemple lorsqu'ils se croient en sûreté, ne peuvent pas se mouvoir spontanément. Galerius fit appeler Constantin dans sa tente quelques heures avant la bataille pour lui donner ses instructions. Il lui confia l'expédition la plus épineuse pour lui laisser, dit-il, la majeure partie de la gloire de cette affaire. Mais un motif abominable était caché sous ce prétexte. À l'entrée de la nuit, Constantin s'avança en silence, accompagné d'un très petit corps de braves qu'il avait choisi lui-même jusqu'à l'entrée du camp des Perses. Nous escaladâmes aisément les ouvrages qui le défendaient. Personne ne nous entendit. Les postes avancés tombèrent sous nos coups. Nous avançâmes avec prudence jusqu'au moment convenu où Galerius et Tiridate donnèrent assaut au camp avec une valeur sans égale. À l'instant, le désordre fut général, et les Perses, qui croyaient n'avoir à se défendre que contre un ennemi extérieur, le virent tout à coup avec effroi au milieu d'eux. Leur défaite fut complète. Le camp, ses richesses, une quantité de prisonniers et le drapeau de Narsès furent le fruit de cette victoire. Narsès fut blessé, il s'échappa, et il eut beaucoup de peine à se soustraire à la faveur de la nuit, à Tiridate, qui le poursuivait. Ce ne fut que le lendemain matin que nous vîmes et notre conquête et la ruine des Perses, mais nous perdîmes aussi beaucoup de monde. Le tribun de la cohorte sous lequel était ma centurie tomba à mes côtés. J'en pris le commandement pendant l'action, et le lendemain, nos compagnons me nommèrent tribun sur le champ de bataille. Leur témoignage fut glorieux pour ton élève, et ce grade me fut donné comme une juste récompense. Galerius, que la joie de la victoire avait rendu plus doux, donna à Constantin son agrément à ma nomination, et me destina à porter l'heureuse nouvelle à Nicomédie. C'est donc, d'après les ordres de Galerius, que j'arrivai au milieu de la nuit dernière. L'empereur me fit ordonner de faire publiquement mon entrée, et m'envoya à cet effet un détachement de Joviens pour m'escorter. Je ne suis point partisan de ces représentations publiques. Je dois convenir cependant que cette fois, l'importance de la nouvelle que j'apportais détruisit en partie ma répugnance. La ville entière de Nicomédie s'était rassemblée hors des portes et dans les rues pour voir le messager de la victoire. Nombre de mes amis, de mes connaissances, me saluèrent avec empressement au milieu de la foule enivrée, qui ne cessait de répéter des cris de joie et de louanges pour Auguste et pour le César victorieux. Mon cœur flétri s'ouvrait au plaisir et aux sensations les plus agréables. Calpurnie et son frère me saluèrent de la terrasse au-dessus de leur maison. Un rouge vif colora les joues de ma belle amie lorsque je répondis à son salut en baissant mon épée et avec une expression de joie qui depuis longtemps m'était étrangère. Je te l'avoue, Phocion, j'éprouvais vraiment cette joie et je me laissais aller à l'enchantement qui m'entourait jusqu'au moment où j'entrais dans le palais de l'empereur dont le luxe oriental et despotique me glaça le cœur. Je venais de l'armée, j'étais envoyé par un César victorieux et qui n'était dans ce moment que le premier de cette armée. J'avais été témoin des privations et des peines qu'il avait supportées, je les avais partagées. Je ne pus voir sans un sentiment d'indignation ces lambris dorés et tout ce luxe accumulé sur une seule tête. La présence du proconsul Pison, que je trouvais dans l'appartement de l'empereur, me procura quelque soulagement. Auguste me reçut avec bonté, et je dois t'avouer que son génie transcendant, son jugement si prompt et si juste, sa connaissance parfaite des hommes et la manière dont il s'exprima dans le courant de la conversation me forcèrent involontairement à la vénération et dissipèrent en grande partie l'aversion que m'avait inspirée son luxe et son orgueil. Peut-être que le maître du monde doit en imposer ainsi à la multitude. Il donna son consentement à ma nomination de tribun et il y ajouta encore un présent considérable. Pourquoi ce présent? Pourquoi les grands de la terre payent-ils par des présents les services rendus à la patrie? Tout considérable qu'est celui que j'ai reçu dans cette occasion, ce n'est qu'un grain de sable pour celui qu'il donne, puisqu'il dispose de tout et peut le reprendre d'un moment à l'autre, ainsi que ma vie et mes propriétés. C'est donc moins encore pour moi qu'un grain de sable. Mais ce qui vaut mieux que des trésors, c'est l'estime et l'amitié qu'on me témoigne. Lucius Pison m'en donna les plus flatteuses assurances et m'invita à aller chez lui. J'acceptai avec plaisir. Après mon père, sa famille est la seule à Nicomédie qui s'intéresse véritablement à moi et à qui j'appartienne. Mon père m'a reçu avec un plaisir qui me fit presque de la peine. C'était moi à son fils qu'il s'adressait qu'au nouveau tribun. Il y mit beaucoup de faste et il regrette que le temps de mon séjour ici soit si court et de ne pouvoir fêter convenablement l'événement mémorable arrivé dans sa famille. Mais il se promit de s'en dédommager à mon retour. Je ne lui opposais rien. Je m'efforçais de ne voir dans sa joie et dans ses projets que la tendresse paternelle. Elle portait la couleur de son caractère. Il était si content. Comment aurais-je pu le contredire et troubler ainsi son bonheur, quel qu'en fût le motif? Il m'aime. Je n'en puis douter. Et cette assurance doit me suffire. Qu'est-ce que l'homme, et même un père, peut donner de meilleur et de plus beau qu'une véritable amitié? Le proconsul vint au-devant de moi avec ses fils et sa fille jusqu'au vestibule. Cette cérémonie, qui m'aurait gêné dans toute autre maison, ne me parut de leur part qu'une preuve d'amitié, mêlée d'une estime qui m'était un attrait de plus. La distance qui sépare l'homme mûr d'un jeune homme et un proconsul d'un tribun de quelques heures avait disparu entre Lucius et moi. Le frère de Calpurnie me témoigna l'amitié la plus tendre, et Calpurnie, jamais encore je ne l'avais vue aussi belle. Modeste au plus haut degré, vêtue presque en matrone, gaie sans pétulance, animée sans légèreté, combien elle me parut séduisante. J'étais content, presque heureux, et rien ne vint troubler l'harmonie de mon âme. Calpurnie nous quitta après le dîner. Une demi-heure après, elle nous fit appeler. Une jeune esclave, vêtue en nymphe, chargée du message, nous conduisit par une suite d'appartements et de galeries à une salle sur le derrière de la maison. Nous entrâmes. Une douce obscurité et une atmosphère embaumée nous entouraient. Au fond de la salle était une espèce de théâtre, formé par des orangers et des jasmins en fleurs, éclairé par des lampions que l'on ne voyait point et dont l'effet était magique. À notre arrivée, Une musique délicieuse se fit entendre et Calpurnie, vêtue en déesse, de manière à ne rien voiler de la beauté parfaite de sa figure, sans que la plus scrupuleuse décence pût en être blessée, Calpurnie brillait au milieu d'une multitude de nymphes, comme Vénus Uranie dont elle avait pris le costume et le caractère. Elle exprima, dans une danse pantomime et vraiment ravissante, les sentiments analogues au rôle qu'elle avait adopté. Ses nymphes lui apportèrent des branches de laurier et d'oranger. Elle en forma des couronnes de gloire, et d'autres avec des lys et du myrte pour l'innocence et l'amour. Au milieu de cette occupation, où elle déployait mille grâces, se fit entendre au loin, et toujours en avançant, la même musique guerrière que j'avais entendue à mon arrivée. Au même instant, une quantité d'amours sortirent des buissons avec des guirlandes de roses, leurs carquois pleins de flèches et leurs mines remplies de malice, caractérisaient parfaitement la troupe folâtre des enfants de Cythère. Vénus Uranie les reçut d'un air chagrin et voulut les repousser. Ils lui exprimèrent par leurs gestes que cette musique annonçait l'arrivée du vainqueur et qu'ils voulaient aller au-devant de lui. Vénus Uranie parut désapprouver ce projet et voulut les retenir en les enlaçant de chaînes de fleurs. Ils les brisèrent et s'enfuirent. À leur légèreté, on aurait dit qu'ils s'envolaient. C'était un délicieux spectacle. Peu de temps après, ils rentrèrent plus lentement. Les guirlandes de roses déchirées, les flèches brisées, leurs jolies mains sur les yeux. Ils paraissaient pleurer et se plaindre d'avoir été mal reçus. Ils s'éloignèrent de nouveau aux ordres de la déesse. Elle envoya ensuite ses nymphes avec les guirlandes de myrte qu'elle avait formées. Elles disparurent avec légèreté en formant un groupe charmant de nymphes et de fleurs. Vénus Uranie, restée seule, exprima dans une danse son impatience de savoir comment son ambassade serait reçue. Les nymphes revinrent tristes et mécontentes. Elles tenaient encore leurs chaînes de fleurs, mais elles exprimèrent, dans des attitudes affligées et humiliées, qu'elles n'avaient pas été bien reçues d'un cœur triste et insensible. La déesse aussi, elle s'attrista par degrés. Toute sa figure prit l'expression d'une tendre mélancolie. Elle se coucha sur un banc de gazon et parut y réfléchir profondément. Tout à coup, elle se lève comme inspirée, fait un signe aux nymphes et disparaît avec elle, tandis que la musique approchait toujours davantage. Bientôt elle rentre, ayant abandonné son voluptueux costume. Vénus Uranie était armée comme la déesse victorieuse de Rome, un casque avec la visière baissée, une victoire dans sa main droite, une couronne de laurier dans la gauche, et accompagnée de ses nymphes, elle accourut à moi, la main levée, comme pour poser sa couronne sur ma tête. J'étais frappé, ému, ébranlé par les sensations les plus opposées. Tandis qu'un triste souvenir, excité par la pantomime des nymphes, était venu frapper mon âme de la manière la plus douloureuse, j'étais en même temps entraîné par une séduction presque irrésistible aux pieds de la charmante déesse. Mais la vanité seule pouvait consentir à recevoir la couronne. Je reculai la tête et je voulus me saisir de sa main. Alors, toutes les nymphes m'entourèrent, et pendant qu'un cœur chanté par elles me disait que la gloire seule pouvait me plaire et me récompenser, elles m'enlacèrent de leurs chaînes, et Calpurnie plaça la couronne sur ma tête. En même temps, son père et son frère s'avancèrent vers moi. Le cœur des nymphes se mêla à la musique guerrière, je me sentis serré dans les bras de mes amis, et des larmes involontaires s'échappèrent de mes yeux. Une image, chérie et toujours présente, se retraça à mon esprit. Je crus entendre aussi le concert des anges dont elle est entourée. Au milieu d'une foule de sensations diverses, je m'abandonnai à l'impression délicieuse que le tout réuni avait produit en moi. Mon cœur en était plein. Calpurnie s'empara de ma main et me conduisit auprès d'une porte. Elle s'ouvre et je me trouve dans le jardin où le souper était servi avec autant de magnificence que d'élégance. Ce ne fut qu'à la vive clarté des lumières que je pus voir combien elle était belle sous la cuirasse et sous le casque. C'était Pallas et Vénus réunies. Elle conserva ce costume guerrier. Elle savait bien pourquoi. Cependant, elle resta simple, gaie, amicale, sans prétention, paraissant avoir totalement oublié le rôle brillant qu'elle venait de jouer. Pour moi, Phocion, je ne m'en ressouvenais que trop, et pendant longtemps, je ne pus reprendre le ton naturel que je veux avoir avec cette dangereuse amie. Cependant, sa manière simplement bonne et amicale commençait à influer sur moi, lorsque je reçus l'ordre de me rendre auprès de Dioclétien, et peut-être qu'il en était temps. Je pars cette nuit, et je ne reviendrai pas de sitôt à Nicomédie. Je pense que je dois m'en tenir éloigné. Il est dangereux d'être trop souvent à même de voir un objet auquel on ne veut pas s'attacher pour la vie et qui s'empare de force de vos sensations. Je ne dis pas de mes sentiments, mais ce que j'éprouve et l'impression que la scène que je viens de te dépeindre a produite sur moi sera le sujet de la première lettre que je t'écrirai du camp. On m'appelle. Adieu, mon ami.